Épisode 7. Jeudi. La vérité est dans le sandwich. Tessier. Non. Le Goeg Non. Le Goeg. Merde. Il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, Radzoni. En l'occurrence, il a subi. Contusions multiples, traces de lutte. Il semble que le décès soit lié à un traumatisme crânien. Sa tête a violemment cogné contre un des piliers du parking. Du parking? Le parking souterrain du centre commercial. Deuxième sous-sol. Qu'est-ce qu'il allait encore foutre là-bas? Je pensais qu'il en avait fini avec ses délires de série B. Calmez-vous, Radzoni. J'y crois pas. Et vous, Mesiani, ressaisissez-vous, bon sang. Bon, mais alors quoi? Vous croyez vraiment que ça a un lien avec notre affaire? Les suspects sont à peine capables d'écraser une mouche sans s'excuser, alors... Quelqu'un a rempli sa bouche de pâte. De quoi? On pourrait ouvrir une fenêtre, si vous voulez. Je me sens pas très... Mais qu'est-ce qui leur arrive aux gens? On fait pas ça, c'est tout. Oui, et ben quelqu'un l'a fait. Et il va s'agir de me trouver qui. Et vite. Eh ben, pas de souci, chef. Hein. Vous avez Tessier, qui va vous régler ça en deux coups de baguette magique. C'est bien le moment de faire le malin, Radzoni. Tessier serait incapable de trouver l'heure si on lui offrait une montre. Vous le savez aussi bien que moi. Vous reprenez l'affaire, avec Mesiani. Enfin, si vous parvenez à le faire revenir parmi nous. Mesiani, ou Karim. Karim, oh, on a besoin de toi. Ouais, quoi? Ah, je... Je m'occupe de lui. Est-ce que sa femme est au courant? C'est elle qui a signalé la disparition hier soir. Le corps a été retrouvé ce matin, tôt. Donc oui, elle sait. Et ce serait bien d'aller... D'aller l'interroger. Oui, ok. On va commencer par là, si elle est d'accord. Quoi? Oui, je l'ai prévenue que ce serait nécessaire et elle a eu l'air de comprendre. Elle est chez elle, vous pouvez y aller. Radzoni, essayez de faire preuve d'un minimum de tact, compris? Bon, enfin, vous me prenez pour qui? Karim! Hop, Karim, on se secoue. Allez, il y a du boulot, on y va. Allez, hop. La délicatesse incarnée. C'est pas normal. Ouais, non, je sais, c'est pas normal de rouler aussi lentement, nom de Dieu. Allez, avance. Mais non, pas ça, je m'en fous de ça. C'est pas comme si on était pressé, il est déjà mort. Et c'est notre faute, Mathéo. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il demandait rien à personne, ce type. Et nous, on débarque chez lui, on le fait parler. Et le lendemain, paf! Il est mort. Et c'est de notre faute. Et celui qui l'a agressé, lui a fracassé le crâne contre un pilier et a rempli sa bouche de spaghettis. Lui, c'est pas sa faute. Si, non, mais... il n'y a pas de mais, Karim. Commence pas le couplet de la culpabilité, ça nous mènera nulle part. Si quelqu'un a décidé de tuer, il tuera, quel que soit le prétexte. Tu penses franchement que quelqu'un aurait tué le Goeg parce qu'il a dit à deux flics qu'il avait absolument rien à leur apprendre? Tu crois que les gens qu'on a interrogés hier s'amusent à aller tuer leurs potes dans un parking entre deux sacrifices de bolognaise? Non. Il y a autre chose, quoi. J'en sais rien. On dirait que quelqu'un en a eu marre de se contenter de jouer au pastafarisme et a voulu passer à l'acte de façon radicale. Mais ça n'a aucun sens. De tuer pour une croyance? Ah ouais, non, aucun. Tu remarqueras que ça se fait beaucoup ces temps-ci. Oui, mais là, le pastafarisme, c'est pas pareil. Rien n'est jamais pareil. Hein? On est arrivé. Prêt? Absolument pas. Allez, on y va. Aller interroger quelqu'un qui vient de perdre un proche, c'est jamais facile. Mais alors, quand vous devez expliquer à une veuve que le meurtre de son mari est probablement lié à un règlement de compte pastafarien, je vous jure que l'expression « moment de solitude » prend tout son sens. Pareil que ça fait partie du boulot. Peut-être. Mais je ne devais pas écouter au moment de la leçon sur la meilleure façon de traiter les crimes rituels à coups de patte. Et Karim? Eh ben, disons que Karim avait sa façon à lui de gérer les choses. Putain, Mathéo, plus jamais ça. Je peux pas, moi. Ouais, on l'a tous vu. D'accord, d'accord, j'ai un peu pleuré, alors ça arrive à tout le monde, c'est normal. Ce qu'il est moins, c'est de se faire consoler par la veuve de celui qu'on pleure. Je sais pas comment elle fait. Elle n'a pas le choix, Karim. Elle a deux enfants. Elle doit tenir, continuer, avancer. Et nous aussi. Bon, appelle Tessier. Tessier ? Pour quoi faire ? La fille d'hier qu'il devait recontacter. Il nous faut son numéro. C'est la seule qui semblait avoir quelque chose à nous raconter et puis aussi la prévenir que... Le risque de finir dans un parking avec des pattes fourrées au fond de la gorge. Ouais. Il faudra sans doute essayer de tourner ça différemment. J'appelle le gros Tessier. Tessier ? Ouais, c'est Karim. Oui, ça va. Enfin, on a connu mieux. Oui, non... Ouais, on s'en fout. Ouais, ouais. Non, mais... Je t'appelle à propos de l'enquête. Comment ça, quelle enquête ? Sur le pastafarisme ? Hein ? Mais non, l'affaire est pas close. On a retrouvé un cadavre ce matin, Tessier. Bref. La femme que tu as vue hier. Si, si, un témoin. Voilà. T'as son numéro, non ? On en a besoin. Comment ça, qui ça ? Bah, Mathéo et moi, on reprend le dossier, la chef t'a pas dit ? Ouais. Bon, tu m'envoies ce numéro ? C'est assez urgent. On voit ça par texto dès qu'il le retrouve. Dès qu'il le retrouve ? Oh merde. Quoi ? Tu connais pas le bureau de Tessier ? Non. Tu vois Hiroshima ? Oui. Fousille des miettes de croissant et des restes de saucisson et t'auras une idée du bureau de Tessier. Ah, merde. Ah, ben, tu vois tes mauvaises langues. C'est plus où l'ami. T'envoies ça après déjeuner. Putain. Ouais. Eh ben, si on retrouve Tessier dans une allée sombre avec des tagliatelles dans le nez, tu pourras m'embarquer sans hésiter. Je plaide d'avance coupable. Si tu crois que Tessier a besoin de qui que ce soit pour s'étouffer avec des pattes. Oh merde, c'est pas bien. Je crois qu'il y a Tessier. Non, non, non, ça c'est même recommandé. Non, mais on devrait pas se marrer comme ça, c'est grave ce qui se passe. Ouais. Cela dit, c'est peut-être juste un acte isolé. On trouve rapidement le type assez malade pour faire ça et... Et voilà. Ouais. J'aimerais assez... que vous évitiez de vous réclamer de mon existence pour opprimer, soumettre, punir, éviscérer ou quoi que ce soit de méchant dans le genre. Je n'ai vraiment besoin d'aucun sacrifice. La pureté est faite pour l'eau potable, pas les personnes. C'est quoi ça ? Le deuxième condiment du pastafarisme. Traduction ? Bah, c'est l'équivalent des 10 commandements. Il y en avait 10, mais le monstre spaghetti en a égaré 2, donc les 8 condiments. Et ils ressemblent tous à celui-là. Tu les connais par cœur ? Ça reste bien en tête. Eh ben, toi, quand tu te convertis, tu fais pas ça à moitié. C'est pas une conversion, c'est juste pour dire que tout ça, ça n'a rien à voir avec le pastafarisme. Tu ne tueras point. Quoi ? C'est un des 10 commandements de l'Ancien Testament, dont se sont inspirés les catholiques. Tu sais, ceux qui ont fait la Saint-Barthélemy et les croisades et se ressourir. Ouais, avec la légère différence que le pastafarisme a jamais prétendu détenir quelque vérité que ce soit. Je suis persuadé que si on était tous pastafariens, le monde s'en porterait bien mieux. Si on était tous pastafariens, le pastafarisme servirait probablement de prétexte à des guerres, à la mise au ban de toute autre croyance religieuse et probablement, d'une manière ou d'une autre, de justification à la confiscation du bien général par une élite dirigeante. Oui, mais attends, on n'a pas dépassé le commissariat là ? Quoi ? Ah ouais, merde ! Superbe dérapage contrôlé et digne d'un James Bond en goguette, cri de terreur de Karim. Tout est bien qui finit bien. Il se retrouve garé devant le commissariat. Ok, Karim, va voir la chef pour faire le point avec elle. Et oh, Karim. Ouais, attends, 2 minutes. Un texto Tessier. Numéro trouvé dans le sandwich. Smiley qui pleure. Je pense qu'il s'est trompé de smiley. Numéro trouvé dans le sandwich. Ouais, bah, il vaut mieux pas poser de questions. Tout à fait d'accord. Ok, je vais donc pouvoir appeler ma fan numéro 1. Puis la veuve de Le Goëc nous a dit que son mari était sorti de chez lui juste après avoir reçu un coup de fil. Il faut que je retrouve qui l'a appelé. Bon, passe-moi ton portable pour le numéro. Tiens, c'est quoi ce fond d'écran ? Ah, ça, c'est rien, ça. C'est vrai ? C'est bon, c'est perso, regarde pas. C'est le monstre spaghetti volant, non ? Non. Oui. Enfin, en cherchant des trucs là-dessus, j'ai vu... C'est la création d'Adam, de Michel-Ange. Ah. Ils ont mis le monstre à la place de Dieu. Je sais pas, je trouve ça marrant, quoi. C'est marrant ? Bon, je fais ce que je veux avec mon téléphone. Non, mais j'ai rien dit, moi. Ouais, ouais. À toute, hein. Ouais, à tout à l'heure. Allô ? Oui. Matteo Razzoni à l'appareil. Nous nous sommes croisés au commissariat hier. Vous voyez pas ? Voilà, en personne. Eh ouais, il s'avère que c'est moi qui m'occupe de l'affaire pour laquelle... Eh ouais, ça me réjouit autant que vous, mais... Ah, si, il faut qu'on se voit. Ah, si, il le faut aussi. Si, il y a eu un mort, madame. Claude Le Goëec. Vous le connaissez, ouais. Ah, j'en suis désolé. Est-ce que vous... Pas au commissariat ? Pourquoi ? De mauvaises ondes ? Ouais, je vois où c'est. Et selon vous, les ondes seront meilleures. Si, ça me va. 11h, demain. Ok. Au revoir. Dépenses extravagantes font son nom. Attends, quoi ? Évitez de dépenser des fortunes à construire des synagogues, églises, temples, mosquées. Pardon, chef. Karim ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, Matteo, tu tombes bien. J'ai expliqué l'importance de bien comprendre la pensée profonde du pastafarisme et de ne pas s'arrêter aux apparences, qui pourraient laisser croire à une certaine superficialité. Et moi, j'expliquais à Mesiani l'importance pour lui de sortir de mon bureau s'il tenait à son poste. Ouais, compris. Allez bien, Karim. Excusez-le, hein, ça n'a pas été une journée facile. Ça l'a été pour personne. Je sais. Mais enfin, je m'en occupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je lui ai raconté ce qu'on avait fait. Puis, je crois qu'elle a fait une remarque sur la possibilité de violence pastafarienne. Elle a... Dégoupillé. Mais Matteo, c'est important que les gens comprennent pour une fois qu'on nous propose quelque chose de bien. C'est tellement rare les réponses intelligentes à la bêtise. Et là, quelqu'un est en train de nous refoutre le nez en plein dedans en tuant un type complètement inoffensif. Merde ! Ou une fois que je trouve une croyance qui me plaît, c'est fatigant en fait. Ok. Mais t'inquiète pas, Karim, on va trouver qui a fait ça et ça ira pas plus loin. Ok ? Ouais. Bon, pour aujourd'hui, ça va aller. Rentre chez toi, repose-toi et demain, on s'y remet. Essaye d'être en forme, hein. On est parti pour avoir des grosses journées. Ok. Ouais, t'as raison. C'est mieux, je vais rentrer. Tu fais quoi, toi ? Faut juste que je trouve d'où provient l'appel qu'a reçu Le Goëec le soir de sa mort. Et puis après... Après ? Je vais me vider la tête. Et tu comptes faire ça comment ? Avec application. Jean-Louis, comme d'hab. Rien des fraises, hein ? Une bière. T'es sûr ? Bon, parce que là, tu dois... Jean-Louis, pas ce soir, s'il te plaît. Je t'apporte ta bière, Matteo. Merci. Bonsoir, Matteo. Wow. Bonsoir, Maric. Oula, vous avez l'air encore plus joyeux que d'habitude. Je peux m'installer quand même ? Ouais, bien sûr. C'est rien, c'est juste que j'avais la tête ailleurs. Ah. Faites-moi signe quand elle sera revenue, alors. Tiens, mon vieux. Merci. Moi, je vais vous prendre un coca, s'il vous plaît. Parti. J'ai trop bu, moi, hier soir. Je sais pas comment vous faites pour repartir. Expérience. Impressionnant. Comment ça se passe ? Vous avez un examen avant de devenir flic ? Concours de descente, whisky relais, 400 mètres cognac, barre parallèle ? Maric. Un homme est mort aujourd'hui. À cause de moi.